Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Vous savez que vous êtes formidable à la radio, s'esclave Séraphin Lampion. Il s'adresse au capitaine Haddock en grand danger. Mais comme tous les lecteurs des aventures de Tintin le savent, ce personnage arrivé sur le tard, Séraphin Lampion, est bien le deuxième sparadrap du capitaine Haddock. Un bougre de crétin d'emplâtre à la graisse de hérisson, pour le moins. Et oui, Haddock est formidable à la radio, comme Tintin, Milou, Tournesol, et même les Bordures, et Alfredo Topolino et tous les autres personnages de l'affaire Tournesol sont formidables à la radio. Ils l'étaient dans les épisodes 13, 14, 15 et 16, diffusés pour la première fois sur la radio France 2 régionale, les premiers 4, 6 et 8 avril 1961, et le sont restés. La preuve. La radiodiffusion télévision française présente... Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. L'affaire Tournesol, 13e épisode. On a vu comment les espions Bordure et Sildave se sont battus pour mettre la main sur le professeur Tournesol, détenteur d'un redoutable secret. La bagarre a eu lieu la nuit, dans le parc de l'ambassade Bordure, au bord du lac Léman, côté Suisse. Ce sont les Sildave qui l'ont emporté, ils ont réussi à faire monter Tournesol dans un canot automobile qui démarre aussitôt. Tintin et Haddock, profitant du désarroi des Bordures, réussissent à s'emparer de leur hélicoptère et donnent la chasse au canot Sildave. Ils n'en sont plus qu'à quelques dizaines de mètres. Ils vont passer juste au-dessus, quand, soudain... Oh, les bandits! Ils nous canardent! Oh, oui! Vite, prenons de l'altitude! Oui, mais ils vont nous échapper! Sapristi, comment faire? La radio! La radio à côté de vous, capitaine! Faites quelque chose! Je m'en occupe! Allez-y! Tâchez quand même de ne pas les perdre de vue! D'accord! Allô? Allô? Allô? SOS! SOS! J'appelle police! Allô? Police! Allô? Police! SOS! SOS! Allô? Allô? Allô? Allô? Ici SB31, j'ai entendu votre appel. Je suis un amateur, j'écoute. Qui êtes-vous? J'ai accroché un amateur, dites donc. Quelle chance, hein? Allô? Allô? SB31? SB31, je suis le capitaine Haddock, au-dessus du lac Léman, et je voudrais... Comment? Haddock? Pas possible. Mais qu'est-ce que... Oh, elle est bien bonne. Le capitaine Haddock. Mais quelle surprise. Ici, c'est Séraphin Lampion des assurances Mondas. Ça s'est tapé, hein? Non, mais écoutez... Se retrouver ainsi, c'est formidable. Mais je voulais vous... Si vous faites aussi de la radio en amateur... Non, mais écoutez... Parce que non, n'est-ce pas? Mais... Oh, tomber sur vous de cette façon, c'est plus fort que de jouer au bouchon, comme disait mon oncle Anatole. Écoutez-moi, monsieur Lampion. Il faut tout de suite prévenir la police. Nous sommes dans un hélicoptère qui survole le lac Léman. Les manchettes ou les mansardes? Nous poursuivons un canot automobile dans lequel se trouve Tournesol. Il a été enlevé. Et on vous demande une rançon, je parie. Non, mais... Sacré vieux farceur. Vous me prenez pour qui? Mais pour personne. Et puis quoi encore? Écoutez... On n'a pas Séraphin Lampion comme ça. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Écoutez, Lampion... À propos de votre assurance. Mais fichez-moi la paix avec vos assurances, mille sabords. Je ne plaisante pas. Prévenez immédiatement la police suisse et la police française. Il faut qu'on arrête ces gaillards, tonnerre de Brest. Dites donc, vous ne voudriez pas que je téléphone aussi à l'amirauté britannique pour qu'on vous envoie la home fleet? Sacré Haddock. Espèce d'ectoplasme, allez-vous, oui ou non, prévenir la police? Et vite, mille sabords, car leur canot vient d'aborder. Je les vois plus. Il est dissimulé par les arbres. Sous les palais tutus, Oh, je me demande ce qu'ils font. Ah, pas des phares. Je comprends, ils vont embarquer Tournesol dans une voiture. Oui, ça y est, le canot vient de repartir et... Mille tonnerres, la voiture s'éloigne. Eh ben, mon vieux, vous devriez être porteur. On dirait que c'est vécu. Non, mais parole, hein, on s'y croirait. Allô, allô, Lampion. Nous prenons l'auto en chasse. Allez, taillot. Écoutez, Séraphin, je prendrai toutes les assurances que vous voudrez, mais de grâce, alertez la police. Ah! Attention, Tintin, là devant. Oh, c'est vrai, sapristi. Une ligne à haute tension. Attendez, tant pis, allez, passons dessous, capitaine. Vous savez. Eh ben, nous l'avons évité de justesse. Ouais. Oh, mais mille sabords, nous tombons. Mais redressez, redressez vite. Ah, voilà. Sauvé encore une fois. Quoi, il était temps. Je vais essayer de grimper, nous volons quand même trop bas. Oui, il y a des arbres là-bas. Oui. En effet, l'hélicoptère fait presque du rase-motte, à 1,50 m ou 2 mètres du sol. Tintin n'est pas un pilote chevronné, et c'est un petit balai aérien que l'appareil a dansé depuis son décollage. Mais maintenant, le ciel rosit du côté de l'est. C'est l'aube, et on commence à mieux distinguer les obstacles. Tenez, là, près du bois, une tente de campeur est dressée. Mais Tintin ne l'a pas vue. Il fonce droit dessus. Les roues de l'hélicoptère arrachent la toile et l'emportent, sans d'ailleurs sortir les dormeurs de leur sommeil, heureusement. Oh, j'ai eu chaud. Il m'a semblé qu'on effleurait les arbustes. Et allez donc, le reportage parlé continue. Mais vous savez que vous êtes vraiment formidable au micro. Sacré capitaine, il sait tout faire. Mes bougres de crème d'emplâtre à la graisse de hérisson, puisque je me tue à vous répéter que ce n'est pas une blague. Mais écoutez, Lampion, ça suffit comme ça. Voilà. Il faut... Tant pis, n'insistez plus, capitaine. Mais voyons, Tintin. De toute façon, il est trop tard. Trop tard. Mais oui, regardez le niveau d'essence, il est à zéro. Une balle a dû perforer le réservoir. Oh, tonnerre de Brest. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de nous poser sur la route devant l'auto pour les obliger à s'arrêter. Bonne idée. Allons-y. Allons-y. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, des ratés maintenant. Il faut faire vite. Nous avons dépassé la voiture, ça va. Posons-nous en travers de la route. Mais elle est bordée d'arbres, cette route, ça va pas être facile. C'est la seule solution. Courage, fiston. Allez. Oui. Allons-y, cramponnez-vous. Vous êtes un as, Tintin. Attention, les voilà. Mais qu'est-ce qu'ils font? Garez-vous, capitaine. Mais ils foncent. Oh, les bandits. Ils vont passer à côté sur l'herbe. Oh, oh, ça alors, mille tonnerres. Ils ont pris des risques en montant sur le talus. Regardez, ils ont arraché le panneau de signalisation et les piquets de clôture. Eh ben, dites donc, un vrai tank, hein. Ma parole, c'est au moins Fangio qui est au volant. Non, mais regardez-les. En attendant, ils nous ont glissé entre les doigts et tournesol avec eux. Mais que faire maintenant, tonnerre, que faire? D'abord, dégagez la route pour éviter les accidents. Voulez-vous m'aider à pousser l'hélicoptère? Allons-y. De votre côté, là-bas. Eh ben, dites donc. Oh, quelle aventure, mille sabords. Et ce n'est pas fini, capitaine, vous le savez bien. Oh, mais ils me le paieront en gros et en détail, ces bigres de bougres de bordure. Ils me le paieront, parole d'Adoc. Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langer avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacques Ealing, le capitaine Haddock, Jacques Muller, Séraphin Lampion et Milou. Chef opérateur du son, Jean Jusfort, bruitage et effet sonore, Joël Noël. Musique originale de Vincent Vial, assistante de production, Josiane Clem. Réalisation, René Villemet. Bonsoir à tous. Que pensez-vous de ce Séraphin Lampion? Avez-vous déjà rencontré ce genre d'énergumène? Si oui, dites-nous dans quelles circonstances. Et maintenant, nous ouvrons notre grand carton de courrier. Pour saluer très amicalement tous les amateurs de dessin, enfin tous ceux qui veulent avoir le dessin original qu'Hergé réserve aux auditeurs de la RTF. Voici donc les noms de quelques-uns. Marc de Rouen, Pedrito Gérez, Jacqueline et Christine Robert du canton de Vaud en Suisse. Un amical salut à la Suisse en passant. Pierre Bergerard, Bernard Roulon, Michel et Bernard Serre de Montpellier, Jean-Claude Nioche, merci Jean-Claude, Denis Roset, Joël et Michel, Arnaud de Chalin, Alain de Beaufort, merci pour le dessin Alain, Jackie Basset, Jean-Paul Giraud, Marie-Noël Muriel, merci, Jérôme de Roux, merci pour la photo Jérôme, Michel Rossignol, Jean-Luc et Dominique chez Monsieur et Madame Février et Joël Coquet. Nous arrêtons ici notre liste aujourd'hui pour répondre à des questions très précises. L'étoile mystérieuse a été diffusée l'année dernière, du mois de mars au mois d'avril. Le crabe aux pinces d'or sera vraisemblablement diffusé au cours de la prochaine saison radiophonique qui commencera en septembre prochain. Désolé, jeune Michel, nommé il y a un instant, mais ton dessin du Yeti a été posté trop tard. Merci quand même, car il est très réussi. Merci aussi pour la lettre et meilleure chance pour le prochain concours. Mais bien sûr, Tintin viendra à ce micro dès qu'il sera rentré de voyage. S'il rentre, ce que nous souhaitons tous. Le Lotus Bleu sera sans doute diffusé l'année prochaine, ainsi que les cigares du Pharaon. Oui, Michel et Bernard, nous avons bien reçu lettres et dessins. Le jury se réunit immédiatement après les vacances de Pâques. Oui, Bernard, 3 rue d'Anjou à Créteil, nous adapterons les histoires que tu évoques. Ce sont nos projets et nous espérons bien les réaliser, car ces nouvelles grandes aventures sont passionnantes. Compliments de Madame Bergerard seront transmis, bien entendu. Merci, Madame. Mais oui, Elisabeth, Jacqueline et Christine, les 7 boules de cristal et le temple du soleil ont été joués à la RTF. Mais consolez-vous, nous allons très bientôt les adapter en disque. Une adaptation qui sera faite d'après le feuilleton de la RTF. Est-ce que ça vous convient? L'âge de Milou? Incapable de le dire exactement. Mais nous poserons la question à Tintin dès qu'il sera rentré. Compliment à propos de la musique, transmis à notre ami Vincent Vial. Sur cette note, nous terminons notre courrier d'aujourd'hui et vous disons à très bientôt tous. Bonsoir. La radiodiffusion Télévision Française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. L'affaire Tournesol, 14e épisode. Le professeur Tournesol vient de faire une découverte capitale dans le domaine des ultrasons quand il est enlevé par des espions bordures. Aussitôt, Tintin, Haddock et Milou se lancent sur leurs traces. Arrivés en Suisse, ils échappent à 3 attentats. Enfin, ils revoient Tournesol au moment où celui-ci est arraché aux mains bordures par des mains sildaves. Tintin et Haddock poursuivent alors les ravisseurs de leur ami en hélicoptère. Mais ceux-ci, après avoir traversé le lac Léman en canot automobile, sautent dans une puissante voiture américaine. À ce moment, Tintin s'aperçoit que le réservoir de l'hélicoptère est vide. Il décide de se poser sur la route pour barrer le passage à la voiture. Mais la 72-59 TTX-3 monte sur le talus, brise les poteaux d'une clôture et disparaît bientôt. La mort dans l'âme, nos amis en sont réduits à chercher du secours à pied. Mais hélas, cette route de campagne est assez peu fréquentée. Faire de l'autostop, vous en avez de bonnes. Il faudrait quand même quelques véhicules. Regardez-moi ça pour un chat. Je sais. Un long ruban qui se perd là-bas dans la verdure. Un désert, quoi. Hé, regardez derrière. Une voiture. Hourah. On lui fait signe. Un buton de fois qu'une. Et monsieur. Oh, sauvage, pignouf, égoïste, moulagon, troglodyte, polygraphe. Voilà, inutile de pousser que vous ayez, capitaine. Ils nous entendent pas, ils sont trop loin. Allez, en route, va. C'est inouï ce que ces chauffeurs sont mufles. Ils vous voient comme ça tout seul sur une route et fout. Ils passent. Oh, quelle époque, mille sabords, quelle époque. Eh, chacun agit comme il lui plaît, capitaine. Et moi, je vous dis que c'est pas une attitude sociale, non. Ah, en voilà une autre, attention. Ou si on se couchait sur la route pour l'obliger à s'arrêter. Allons, capitaine, pas de sottises. Monsieur. Par là, mon brave. Allons par là. Brut, autocrate, profiteur, gros plein de sous, pas du pied. Calmez-vous, je vous en prie, allons. Et en plus, ils nous obligent à respirer leur poussière. Oui, ça c'est vrai. Ces primates motorisés. Il devrait y avoir une loi qui obligerait ces satanés boulotteurs de kilomètres à s'arrêter quand on leur fait signe. Et encore une. Oh, il s'arrêtera pas, vous verrez. Et essayons toujours. Monsieur. Monsieur. Pas possible, elle s'arrête. Oh, courons vite, capitaine, courons. Oh, il y a encore des gentlemen sur Terre. Ah, Tintin, halte, stop. Mais capitaine. Vite, dans le bois, à l'abri. Pourquoi dans le bois? Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais vite, faites comme moi, couchez-vous. Mais pourquoi est-ce que vous vous couchez dans cette mare? Expliquez-moi. Couchez-vous, mille sabords. Les mitraillettes vont parler. Quoi? Vous n'avez pas reconnu la Citroën noire? Le Citroën noir? Oh, mais non, capitaine, il y a mal d'homme. Couchez-vous, tête de bulle. Mais non, celle-ci est noire également, d'accord, mais elle porte une plaque française, j'en suis sûr. L'autre avait une plaque du canton de Vaud. Canton de Vaud? Mais oui. Vous en êtes certain? Mais absolument, allez, venez vite, peut-être qu'elle n'est pas encore partie. Vite. Mais je n'ai pourtant pas la berlue. Pas la berlue. Disons alors que tu as des visions, car moi je n'ai rien remarqué. Mais bonbonne, je t'assure qu'il y avait 2 personnes sur le bord de la route. 2 personnes qui m'ont fait signe. Moi je ne suis pas fada. Et moi je te dis, Jules, que tu devrais aller chez l'oculiste te commander des verres plus forts. S'il y avait eu des stoppeurs, je les aurais vus. Un point, c'est tout. Bien bon, ne te fâche pas, Mélusine. Tu as raison, j'irai voir l'oculiste. Ah, à tout de même, tu reconnais que j'ai raison. Eh bien, c'est heureux. Car enfin, ce n'est pas moi qui suis myope comme un Clovis, hein. J'ai des yeux de 20 ans, moi. Maman me le dit toujours, d'ailleurs. Eh bien, tu réponds pas? Eh non, je t'écoute et je pense, Mélusine. N'aurait pas pu nous attendre, cela, non? Aïe, aïe, aïe, le plus ennuyeux, c'est que vous êtes trempé, vous. Oh, le soleil aura tout fait de me sécher. Vous êtes bien optimiste, capitaine, regardez le ciel, hein? Ouh là là là. J'ai l'impression que le soleil, ce sera pour une autre fois. Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Oh, tonnerre de Brest, nous voilà frais. Et voilà, une belle averse. Oh, là-bas, un village. Enfin, on va pouvoir se remonter le moral. Il y a encore un bon bout de chemin. Si seulement on avait un parapluie. Oui, bien sûr, un parapluie. Oh, mais un parapluie, capitaine, nous en avons un. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais oui, nous sommes stupides, regardez Milou. Il n'a pas lâché le parapluie de tournesol. Mais le tonnerre de bref, vous avez raison. Brave Milou, donne-moi le riflard de Trifon. Pas la peine, capitaine, l'averse s'arrête et le soleil revient. Eh bien, bravo, il va pouvoir me sécher. J'en ai bien besoin. Non, Milou, avec ta permission, je m'en servirai comme d'une canne. Et Haddock enlève sa vareuse qu'il avait remise dès les premières gouttes. Tintin, lui, garde son imperméable, puis nos trois amis, ragaillardis à la vue du village, repartent d'un bon pas. Ils atteignent bientôt les premières maisons. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais cette promenade m'a mis en pleine forme. Peut-être, mais que de temps perdu. Notre pauvre tournesol, où est-il, hein? Depuis ce matin qu'il roule, il doit être loin. Oh, ne vous inquiétez pas, fiston. Fouet la doc, on le retrouvera. Ah, un bureau de tabac là-bas. Je vais acheter un paquet. Juste le temps de traverser, je vous rejoins. D'accord, capitaine. Hé, attention! Capitaine! Mon Dieu, quelle horreur! Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Ling, le capitaine Haddock, Gaëtan Anjor, l'automobiliste, Nelly Delmas, la dame, avec Milou. Prise de son, Jean-Jus Forg, bruitage et effet sonore, Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Josiane Clem, réalisation, René Villemet. Nous souhaitons le bonsoir à tous nos auditeurs et décachetons notre courrier illico. En demandant encore une fois à nos correspondants de ne pas nous envoyer de timbre. Pas de timbre et pas d'enveloppe non plus, s'il vous plaît. Par contre, tâchez de ne pas oublier de timbrer l'enveloppe qui contient la lettre que vous nous adressez. Sinon, elle risque de nous parvenir avec beaucoup de retard. Demandes innombrables, toujours, pour le dessin original proposé à nos jeunes amis par Hergé et réservé exclusivement aux auditeurs de la RTF. Voici une petite liste de ces impatients. La lecture de leur nom leur permettra d'attendre encore un peu, je l'espère. Et ce, pour les raisons que vous savez tous maintenant. Bref, appels entendus de Jacques Carriel de Brest, Alain Nolin de Montpellier, bonsoir à la grand-maman d'Alain, entendu Annette Hure, Xavier et Yves Weger, Joseph Goahoc, Michel Cézot, Nicole Pfeffer et merci. Jean-Claude Brou, Alain Well. Alain, le trésor de Rackham-le-Rouge, a été diffusé l'année dernière. Encore un jeune auditeur qui est arrivé trop tard dans notre feuilleton. Amitié d'un jeune anonyme de Levallois, transmise à Hergé. Michel Nègre, ta demande a été enregistrée et bonne santé à tout ton petit zoo. D'accord, Michel Stocky, et bravo pour le poème, très réussi. Sylvie Campo, Daniel Kiems, Bernard Jérôme, vos amitiés ont été transmises aussi, et bravo pour les dessins. Une bise de la part de Tintin et de Milou pour Marc Figon, qui travaille si bien en classe. Bravo Marc, et tâche de continuer ainsi. Réponse à Joseph Belliot de Saint-Nazaire. Nous avons déjà étudié ce problème des relais, mais nous y reviendrons pour améliorer la chose si possible, c'est promis. Oui, Joseph, nous allons enregistrer et dans l'ordre que tu souhaites. Ensuite, ce sera sans doute le sceptre d'Autocar qui a été diffusé sur France 2 l'année dernière. Entièrement d'accord, et le courrier nous le prouve, les émissions de Tintin ne sont pas seulement pour ceux qui comptent peu d'années, elles s'adressent à tous les vraiment jeunes de 7 à 77 ans. Bravo Joseph et à très bientôt. Entendu l'appel de Jeanne-Marie Lagu de Rouen, elle est inscrite sur notre longue liste, ainsi qu'André Chrétien et Alain Clément. Mais Alain, le concours est clos depuis longtemps. Le 15 novembre 60 exactement, et maintenant il n'est plus question que de la proclamation des résultats, aussitôt après les vacances de Pâques. D'accord Alain pour Milou, nous en tiendrons compte. Merci à Armel Collin, rue Étienne Marcel, mais difficile de répondre à ta demande précise. Et oui, jeune ami, nous ne pouvons faire ce que tu nous demandes et le regrettons très vivement. L'appel de Luis Manuel Dominguez a été entendu comme celui de Gérard Coallaire. Merci Philippe Ardebois, très réussi ton château fort. D'accord pour le dessin d'Hergé. Quant au capitaine, il doit avoir la cinquantaine, enfin à vue de nez. J'espère, Lionel Hudsley, que tu n'auras plus peur maintenant. En tout cas, ne manque pas de nous confier tes impressions, et entendu pour le dessin. Bravo et merci Anne et Hervé Jacquemin. Invitation transmise à Tintin aussitôt que possible. Amitié de l'équipe à Marc Lacour et à Roselyne Masset, à Simone, Jean et Raymond Valério, à Pierre et Yvette Persson de Landerneau. Comment recevez-vous le feuilleton en Bretagne? Une bise à Gérard Vidal, un gros timide qui n'osait pas nous écrire. Eh bien maintenant c'est fait, te voilà soulagé Gérard. Et nous répondons à ta question, Tintin en Amérique sera diffusé l'année prochaine. Merci pour tes dessins, bon courage et bonne chance à l'école. Amitié à ta petite cousine aussi. Sur ce, nous vous laissons en famille, jusqu'à très bientôt. Bonsoir à tous nos jeunes amis, à leur papa, maman, grand-mère, grand-père, tantes et oncles. Au revoir, à bientôt. La radiodiffusion Télévision Française présente... Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Aujourd'hui, l'affaire Tournesol, 15e épisode. Trois attentats, une poursuite en hélicoptère, un plongeon dans l'eau croupissante d'une mare, une séance de footing et tout ça, pourquoi ? Pour retrouver la trace de Tournesol qui a été enlevée par des espions après sa magistrale découverte qu'on a appelée le rayon invisible et dont les puissances ennemies se disputent le secret. Oui, tout ça, c'est la rançon de l'amitié payée par Haddock, Tintin et Milou. Pourtant, nos amis savent que Tournesol est dans la Chrysler jaune, qui leur a filé sous le nez et les a distancés d'autant plus facilement qu'ils sont à pied. Après avoir tenté en vain de faire de l'autostop, Tintin et Haddock viennent d'arriver dans un petit village français près de la frontière suisse. Le capitaine aperçoit un bureau de tabac de l'autre côté de la rue. Il traverse. À ce moment, un bolide arrive, des cris, un coup de frein terrible, un choc sourd. Capitaine! Oh mon Dieu, dans quel état vais-je le retrouver? Bandit! Anthropophage! Écrasé! Ouais, ça a l'air d'aller. Espèce de cow-boy sur la route! Oh, rouler à une vitesse pareille! Bon, vous voulez sans doute percer le mur du son, hein? Bougre de sauvage aérolite de tonnerre de Brest! Eh bien, capitaine! Mais qu'est-ce que vous faites à plat ventre sur le capot de cette voiture? Je fais la sieste! Ah oui, vous avez eu de la chance, hein? Oui, mais cet écraseur n'y est pour rien. Vous entendez, hein? Espèce de machibouzouk, ectoplasme. Maqué, mais que c'est vous qui vous avez traversé? Météorite! Basta! Que vous envoyez des postillons sur mon pare-brise! Postillons! Oh! C'est lui qui m'emboutit! Mais maqué, quel est lave-glace! Il est pas pour les ça! Presto! Oh, le sauvage! Arrêtez, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. Pouvez-vous nous rendre un service? Quel service? Voilà, nous sommes à la poursuite de bandits en auto qui ont enlevé un de nos amis, le professeur Tournesol, et nous cherchons... Madonna! Une poursuite des bandits? Va bene! Montez dans la machina! Presto! Oh, merci, presto. Monsieur! Allez, venez, capitaine! Allez, monte-toi aussi, Milou! Allez! Allez, tiens, je t'ouvre la porte, là! Allez, monte! Voilà! Là, ça y est! Ma... qui vous êtes? Oh, ça va, basta! Va bene, va bene! Avanti! Mais vous pouvez pas démarrer comme tout le monde, non? Excusez, vous m'avez fait passer par-dessus le dossier du siège avant. Oh, mais ça va. C'est un moteur d'avion que vous avez. Et dis-moi, Tintin. Oui, certainement. Je vais vous montrer que les voitures et le conducteur italien, ils sont les meilleurs du monde. Ah. Avanti, avanti, à la poursuite des Tournesol mio. Ouais, maintenant, monsieur, voici notre histoire. Que je vous écoute. Ouais. Notre ami Tournesol est l'auteur d'une invention dont les agents secrets d'une puissance étrangère cherchent à s'emparer. Voilà, et c'est dans ce but qu'ils l'ont enlevé. Attention, un camion de vent. Va bien. Oui, il s'en est fallu d'un chute. Oui. Oui, alors je vous disais donc que notre ami Tournesol avait été enlevé. Par des bandits. Oui, voilà, par les bandits. Mais une bande rivale des agents secrets d'un autre pays ont arraché notre ami à leur tour. Regardez-moi ces autostoppeurs là-bas. Ah, pas le temps d'arrêter la machine. Oh, il devrait y avoir une loi contre ces gens-là, mille sabords. C'est pas ce que vous disiez ce matin sur la route, hein. Oh, vous m'agacez, vous. Terminez non plutôt votre histoire. Bah, voyons, où en étais-je? Tournesol est mignon qu'il a été arraché. C'est ça, voilà. Il a été arraché aux mains de la première bande par la seconde. Et attention, monsieur des travaux. Il y a un ouvrier qui vous fait signe avec son drapeau rouge. Mais ralentissez, mais faites quelque chose. Il n'est pas les dingues. Il n'est pas les dingues. Oh. Oh, les pauvres. Oh, regardez, capitaine, ils sont tout noirs de goudron maintenant. Oh, cette fois, j'ai bien cru que le mille Maquet. Mais qu'est-ce qui s'est passé-t-il? La machina, elle fait un drôle de bruit bizarre. Moi, je n'entends rien. Ah si, diabolo. Mais je me demande si c'est une pistone. Vous croyez, monsieur? Ou alors, c'est une soupape. Non, ce n'est rien. Ce sont mes dents qui claquent. Ah, que vous trouvez que ça roule trop vite. Non, roulez trop vite, non. Mais le capitaine pense que vous volez trop bas. Ah, attention, hein. Tenez-vous bien. Un cassis. Oh, ouais, oh là, oh. C'est une grosse bosse. Oh, je sais pas si j'ai une grosse bosse ou une grosse bossée, mais alors. Je disais, sur la route, la bosse. Ah, la bosse, sur la. Oui. Oh, le tonnerre, pouvait pas rouler comme un civilisé, non? Oh, ma tête. Et là-bas, mais c'est la crise d'air jaune. La machina qui est entrée dans le village. Mais oui, c'est elle. Avanti, Alfredo, avanti. Hé, Alfredo, limitation 30 à l'heure, ralentissez, voyons. Il va nous pulvériser. Jamais nous reverrons tout le sol. Attention le camion! Un coup des volants et hop! Ouh là là! Oh, moi je ferme les yeux. Hein. Vous me ferez signe quand nous serons arrivés au paradis. Oh! Sapristi! Quoi encore? Oh. Regardez! Tonnerre! C'est jour de marché! Ça va être une hécatombe! La voiture marron d'Alfredo culbute un étalage, frôle le monument aux morts, évite de justesse une voiture à cheval, puis une 4 chevaux. De saisissement, un marchand de légumes plonge dans ses tomates pendant qu'une vache terrifiée se sauve, son propriétaire accroché à son cou. Plus loin, c'est une truie qui renverse un cycliste. La traversée du village n'a duré que quelques secondes, mais un tremblement de terre n'aurait pas fait plus de dégâts. Heureusement, ici, il n'y a pas de victimes. Et le bolide, enrubanné maintenant d'un chapelet de saucisses, sort du village en trombe. Il ne va pas bien loin pourtant. Zut, un gendarme. Qu'est-ce qui vous arrive, espèce de sauvage? Ma qui? Traverser une agglomération à une vitesse pareille, ça va vous coûter cher, hein? C'est moi qui vous le dis. Ma qui? Minute, mon calepin, voilà. Ah, votre nom? Arturo Benedetto Giovanni Giuseppe Pietro Arcangelo Alfredo Cartofoli di Milano. Arturo Benedetto. Arfoli, canno. Bon. Bon, bien, pour cette fois, ça ira. Hein? Circulez! Ah, mais que maintenant, nous devons recapturer les temps perdus. Avanti, Alfredo, avanti! Et moi, je vous dis, mille savoirs, que nous allons nous cacher la figure! Avec Alfredo Cartofoli, ça m'est! Ça y est, la crise d'air est à nouveau devant nous, la voilà! Va bien, que nous allons la résointoyer! Tonnerre de Brest! Un passage à niveau qui ferme! Et le train qui arrive! Stop! Nous n'aurons pas le temps! Stop! Stop! Alfredo, il passe! Ah! Trop tard! Madonna! Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jackie Ling, le capitaine Haddock, et les voix de Henri Poirier et Jean Péméja, avec Milou. Prise de son Jean Jusfort, bruitage et effet sonore Joé Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Josiane Clem, réalisation René Villemet. Bien bonsoir à tous les amis des aventures de Tintin. Nous espérons qu'ils ont passé de très bonnes vacances de Pâques. Et nous répondons tout de suite à ceux qui nous posent des questions précises. Notre adresse est toujours Tintin RTF, 107 rue de Grenelle, Paris 7e. Non, jeunes amis, il ne faut jamais nous envoyer de timbre. Par contre, n'oubliez pas de timbrer vos enveloppes, s'il vous plaît. Une bonne nouvelle, Hergé, le père de Tintin, a terminé le dessin original qui vous est réservé. Eh oui, il n'y a plus maintenant qu'à l'imprimer. En attendant, nous recevons toujours vos demandes. Et nous accusons réception de celles de François Avenin, André Cloarec, Dominique Darc, Francis Sourgens, Bernard Saint-Ramy. Merci Bernard. Gilles Moulec, Solange Denis, Béatrice de Grailly. Et merci à tous ces jeunes amis, ainsi qu'à Dominique Monti, Philippe Domergue, qui est partisan du suspense, ainsi que presque tous nos auditeurs. C'est vrai. Michel Pain, ta commission sera faite à Monsieur Tournesol, merci. Réponse à Yves Payère, qui nous demande 3 dessins d'Hergé. D'accord pour les dessins. Quant au reste, tu peux, Yves, t'adresser à n'importe quelle maison spécialisée, dont tu trouveras d'ailleurs l'adresse dans l'annuaire des PTT. Tu verras, la photographie est un passe-temps passionnant. Entendu, Michel Jacob. Bien reçu aussi la lettre de Mathieu Rossi, du Plessis Robinson. D'accord pour les dessins d'Hergé. Hélas, moi aussi, je pense souvent au beau temps de Cargèse, si ensoleillé. Mes amitiés pour toi, Mathieu, et pour ta petite famille. Demande de Jean Sauzéa, enregistrée, ainsi que celle de Marivonne Ouvrard, que nous remercions. Entendu, Marivonne, pour Milou, mais impossible de te dire ce qu'est devenu le corps de Wolf. Sans doute tourne-t-il maintenant comme un satellite. Probablement. Rassure-toi, René Roland Dionneau, ta demande est inscrite. Et bravo à Colette Blanc qui recevra elle aussi le dessin d'Hergé. Bonsoir Claude Gagnepain, à qui nous répondons vite comme il nous le demande. Oui, le film est en train de se faire. Oui, nous allons faire des disques d'après le feuilleton de la RTF. Oui, ta demande de dessin a été enregistrée. Non, il ne faut pas payer. Ce dessin sera adressé gratuitement à tous ceux qui le voudront. Bravo Claude. Merci Jacques Manant. Malheureusement, non, nous ne recommencerons pas, mais nous adapterons d'autres aventures de Tintin et ensuite peut-être d'autres encore. Tu as bien fait de délaisser le concours pour te consacrer à tes compositions. La prochaine fois, tu pourras certainement tenter ta chance. Non, je crois que les Dupont-Dupont sont simplement des collègues unis comme les doigts de la main. Bien reçu ta demande, Gérard Bousquet, et merci. Merci encore à Nicole Richard de Montpellier et une bise de Tintin et de Milou. Mon Dieu, c'est l'heure, excusez-nous. Déjà. Nous vous quittons jusqu'à très bientôt. Bonsoir à tous. Bonsoir. La radiodiffusion Télévision Française présente... Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Aujourd'hui, l'affaire Tournesol, 16e épisode. Le professeur Tournesol a changé de ravisseur. Les Sildaves ont succédé aux bordures et la poursuite continue. Devant, la Chrysler des ravisseurs. Derrière, la puissante voiture italienne d'Il Signor Alfredo Cartofoli di Milano. Dans ce bolide qui sème la panique parmi les paisibles populations rurales, ont pris place Tintin, Haddock et Milou. La voiture italienne gagne du terrain. Plus que 300 mètres. 200. Malédiction, un passage à niveau. La barrière s'abaisse. La Chrysler passe in extremis. L'Italien appuie à fond sur l'accélérateur malgré les cris de ses passagers. À quelques centimètres et quelques secondes près, c'était la catastrophe. Mais Alfredo a réussi. La distance entre les deux puissantes voitures diminue. Oh ben si ça continue comme ça, Milton, je vais attraper une maladie de cœur. Oui, il faut reconnaître que comme promenade en voiture... Il faut délivrer Tournesol mio. Avanti. Attenzione. C'est double la Chrysler. Les voitures italiennes sont les meilleures du monde. Va bene, va bene. Vous avez vu, on les a frôlés, hein? Oh, j'ai vu, et oui. Et maintenant, une savantissima petite queue de sardine. Oh, ça va être un carambolage effroyable, mille savants. Hop! C'est curieux, je ne vois pas Tournesol à l'intérieur. Attenzione! Un bon coup de frein! Oh! Hey, hey. Oh! Oui! Oh. Ecco! Oh. Superbissimo! Oh, tonnerre, je m'en souviendrai de cette course, moi je vous le dis. Ah! Ouais, le propriétaire de la Chrysler, il n'a pas l'air content, hein? Dis donc! Vous êtes fous! Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Chauffeur! Pirate de la route! Oh, celui-là, il va m'entendre! Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien voilà! Nous voudrions... Oui, ce que nous voulons, c'est bien simple. Nous voulons Tournesol. Où est-il? Tournesol? Qu'est-ce que c'est que ça, Tournesol? Une plante, un animal, un produit chimique? Vous le savez aussi bien que nous. Qu'avez-vous fait de lui, énergumène? Mais monsieur, je vous prie d'être poli. Une fois pour toutes, j'ignore qui est ce Tournesol. Vous voyez bien qu'il n'y a personne comme mon chauffeur et moi dans la voiture. Dans la voiture peut-être, mais dans le coffre. Le coffre? Oui, le coffre. Oh, écoutez, monsieur... Écoutez, jeune homme... Je pourrais vous répondre que ce qu'il y a dans mon coffre ne regarde que moi. Cependant, je veux être bon prince, venez voir. Oh! Personne. Ah. Voilà. Où est-il, votre tournebroche, tournebol? Hein? Dans la roue de secours, peut-être, non? Bon, c'est une erreur, je pensais ouais, que... Nous pensions que, enfin... Êtes-vous satisfait, monsieur? Les justiciers amateurs? Oui, enfin, c'est-à-dire... Non, enfin, je... Ouais, à moins que vous ne désiriez encore fouiller mon carburateur, hein? J'ai un très gros carburateur, non? Oh, pas la peine, monsieur, Mais dans ce cas, dégagez la route et laissez-moi partir. Vous m'avez fait perdre assez de temps comme ça. Ça, je ne reviens pas, capitaine. Vraiment. On a dû se tromper de voiture. Je ne vous salue pas, messieurs. À mon tour maintenant, perbaco. Que vous avez dépensé ma tête. et que vous êtes des mensongers. Des mensongers, non? Oh, laissez-moi vous expliquer. Rien du tout. Que vous vouliez simplement fabriquer des lotostops et que c'était assez animal pour vous croire. Que vous m'avez roulé, madonna. Roulé alors que nous... Ma, que j'ai compris. Va bene. Maintenant, vous marchez à piedi. La macchina di Alfredo Cartofoli, elle n'est plus pour vous. Ciao. Eh bien, nous voilà frais. Oui, et je crois qu'il était inutile d'insister. Ça, c'est hors de doute. Regardez-moi cet écraseur. Allez, oubliez-le, capitaine, et reposons-nous un instant. Ah ben, c'est pas de refus. J'en profiterai pour fumer une pipe. Cette promenade m'a mis dans un état d'énervement. Tenez. Tenez là, au pied de cet arbre. Comme Newton. Ouais, mais lui, c'était sous un pommier. Ouf. Oh, ça détend quand même. Oui. Maintenant, réfléchissons. Voyons, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ah, ça, je vous le demande. Aurions-nous poursuivi une autre voiture? Ou alors Tournesol serait-il resté dans le canot? Ben, comment vouliez-vous voir de là-haut? Oui, oui, évidemment. À moins que... À moins que quoi? Saperlipopette! Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes assis sur une fourmilière? Non, non, non, capitaine, mais nous sommes des ânes! Comment? Sous le siège arrière. Mais oui, c'est ça! Quoi, sous le siège arrière? Mais je m'en souviens parfaitement, maintenant il était surélevé! Mais oui, c'est là-dessous qu'ils ont dissimulé notre malheureux ami! Mais que ça va! Oh, alors ça, nous nous sommes laissés berner, mais comme des enfants! Oh! Venez! Oh, voilà, on reprend la route et à pied. Oh. Ah, il nous en fait voir du pays, ce phénomène de tournesol. Milou a repris dans sa gueule le parapluie de tournesol. Quant au capitaine, il a retrouvé sa mauvaise humeur. C'est un stimulant qui permet à nos trois amis de soutenir une bonne cadence... Et nous les retrouvons quelques kilomètres plus loin. Tiens, regardez cet avion de tourisme, on dirait qu'il va atterrir. En tout cas, il descend. Et s'il y avait un aérodrome par ici, nous serions sauvés. Ah, vous aviez raison, il va atterrir. Tenez, prenons ce sentier, nous allons couper à travers champs, venez, vite. Je vous suis. Il a disparu derrière les arbres, hein. Il a peut-être une panne. Ah, nous allons le savoir. Ah, ça. Eh bien. Et il n'y a pas d'aérodrome, il s'est posé dans une prairie. Hé. Regardez derrière ces arbres, regardez! La Chrysler! Mais alors? Mais oui, capitaine, tenez, tenez, tournesol là-bas, il l'embarque dans l'avion! Vite, vite, venez, attention aux barbelés! Oh, les sauvages, les kidnappeurs, je vais m'occuper d'eux! Par Saint-Vladimir! Voilà ces deux enragés! Vite, Stani, grimpe! Tant pis pour la voiture, on l'abandonne! Allez, vas-y, plein gaz, Boldov! Il arrive! Arrêtez, stop! Police! Borgnouf de Borgnouf, mais il s'accroche à la poignée de la porte! Mais qu'est-ce que tu attends pour décoller? Ça y est! Bravo! Boldov, enfin, tournesol est à nous! Emporté par son élan, Tintin est allé s'enfoncer dans un tas de foin. Milou l'y a suivi, mais il a moins de chance que son maître et va donner du nez dans un paisible hérisson qui dormait. D'où les cris que vous entendez. Oh, quel plongeon! Viens, Milou, qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu comme ça? Au secours! Au secours! Tintin! Mon Dieu, le capitaine! Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jackie Ling, le capitaine Haddock, et Jean Péméja et Yves Pénaud, avec Milou. Prise de son Jean-Just Fork, bruitage et effet sonore Joé Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Josiane Clem, réalisation René Villemet. Jeunes amis de Tintin, bonsoir. Encore un courrier qui nous permettra de répondre à vos nombreuses questions. À garder aussi le contact avec cet innombrable auditoire du feuilleton. Pour répondre à des demandes de plus en plus nombreuses, disons que nous allons sans doute faire des photos du père de Tintin, mais oui, d'Hergé, et que nous les adresserons à ceux qui en exprimeront le désir. Cette photo a été prise à l'occasion de l'interview que nous avons faite le 15 novembre 1960 dans nos studios. Notre adresse, nous vous la rappelons encore une fois, Tintin RTF, 107 rue de Grenelle, Paris 7e. Commission de Sylvie Carillon, faite à Milou, qui te rend la politesse. Mais non, Micheline Vergelot, il n'est jamais trop tard pour le dessin original d'Hergé. Dites-vous bien qu'il n'y a pas pour ça de date de clôture et continuez à vous inscrire tranquillement. De l'oreille cassée, Micheline, nous avons tiré 23 épisodes. Et nous espérons qu'ils te plairont. Un grand merci à François et Anne-Catherine Gerbeau du Luxembourg et toutes les amitiés de l'équipe à ces deux jeunes amis de Tintin. Patience, Dominique Guillemette, le Lotus Bleu reviendra certainement. D'accord, Michel et André Lozachmer, mais pas possible de diffuser le feuilleton tous les jours. Bravo Francis Robinet de Châtenay-Malabry pour ton dessin. Réponse à Hugues de Hanne, que nous remercions vivement ici. Je ne suis jamais allé à Moulinsart, mais le château existe sûrement. Le dessin d'Hergé représentera Tintin, Milou, Haddock, les Dupont-Dupont et Tournesol dans un studio de la RTF, en train d'enregistrer leurs aventures. Est-ce que ça vous plaît? Et chaque dessin vous sera adressé personnellement. Oh, le joli Milou que voilà, avec son ruban bleu autour du cou. C'est un dessin de Marie-Laure Lasvergnas que nous remercions vivement. Et bon anniversaire, Marie-Laure. Demande d'André Rousseau enregistré. Et merci pour la lettre détaillée, André. Oui, Jean-François, tu recevras deux dessins, dont un pour ton petit frère Eric. Merci, Jean Rousseau, pour ton petit découpage. Message de Jean-Pierre transmis à son destinataire, entendu pour le dessin Jean-Pierre. Oui, Tintin viendra à ce micro dès qu'il sera rentré de mission. C'est promis et nous essayerons de faire parler aussi le capitaine Haddock. Merci Boris Citrinovitch, demande inscrite. Réponse à Annie Charles, l'oreille cassée sera diffusée à partir de début mai. Hélas, non Annie, il n'est plus temps pour le concours de l'abominable homme des neiges. Mais le prochain concours à la rentrée te comptera certainement parmi les lauréates. Notre liste s'allonge encore de noms. Daniel Stobre, Christian Deneau. Meilleure santé Christian et une bise de toute l'équipe. Il va y avoir un film? Non, le Lotus Bleu n'a pas encore été diffusé. Peuvent être rassurés Alain Longuet, Philippe Delevague. Entendu Philippe pour Milou. Que Jean-Pierre Danial et Alain Leclerc se consolent, ils participeront au prochain concours. Enfin, remercions Jean-Luc Gaillardin, qui a toutefois eu tort de nous envoyer un timbre. Non, Jean-Luc, nous n'avons pas passé Coq en stock, ni les cigares du Pharaon, ça viendra plus tard. Entendu pour Milou, qui envoie ses amitiés à Clic. Le dictionnaire t'expliquera Bachibouzouk mieux que moi. Sur ce, amitié de tous à tous et au revoir. Au revoir, à bientôt. Ces épisodes de l'affaire Tournesol, 13, 14, 15 et 16, ont été diffusés pour la première fois sur France 2 régionale les 1er, 4, 6 et 8 avril 1961. À suivre, et d'ici là, à réécouter en ligne ou à télécharger, ainsi que les épisodes précédents, sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».